Respecte les rampes, reste poli. Arrête de croire que la vie c'est que des belles femmes et un gros bolide. Ouais, je te maudis. Toi qui es comme moi et vois tes veines. La haine sera un miracle quand t'empêchera un facho dans la scène. Tony, respecte les rampes, reste poli. Arrête de croire que la vie c'est que des belles femmes et un gros bolide. Ouais, je te maudis. Toi qui es comme moi et vois tes veines. La haine sera un miracle quand t'empêchera un facho dans la scène. Tony dépose des armes, fuit les GAB. Les grandes panaces, des grands bâtards qui rêvent la DH. On s'acharne mal même quand le biz marche pas. Exotique, on excelle en ego trip, on baisse des biatchs. On dit être fanatique, ça la fisse que t'es vif, mais que t'as rien dans la bite. Que t'es ce putain de mange merde qui fout rien dans la vie. Frère aiguise de mallette et rythmique. Mon son n'est pas pour tes pique-niques. Qui joue en EPK et plonge ta putain dans la cave ou dans la cave. Ça dépend, quelquefois ça détend. Mauvais penchant pour tout ce qui est méchant. Et Tony ferme les yeux car on te les crèvera. Aussitôt que t'auras ton Z3 ou tu les lèveras vers les cieux. Quel gâchis, t'es trop fragile. En tauromachie, c'est l'embrocheur qui reste sur le terrain et l'animal sur le parvis. Sois matinal, méfie-toi du voisinage des bâtiments. Car on ne sait jamais lequel d'entre eux a des vues sur la dinam. Hey Tony, respecte les rampes, reste poli. Arrête de croire que la vie c'est des belles femmes et un gros bolide. Ouais, je te maudis. Toi qui es comme moi et vois tes veines. La haine sera un miracle quand t'empêchera un facho dans la scène. Tony, respecte les rampes, reste poli. Arrête de croire que la vie c'est des belles femmes et un gros bolide. Ouais, je te maudis. Toi qui es comme moi et vois tes veines. La haine sera un miracle quand t'empêchera un facho dans la scène. Tony, fais pas le mongol, t'engages pas ou bute pas le Robocop. Non, baisse ton protocole, d'accord, ton monopole dans leur univers. N'importe quel bolos peut jouer le chef de guerre. Alors on se démerde et règle nos comptes avec l'état, coup de cocktail molotov. Tony a le mort quand il se tape pour pouffer. Alors que ta pute spa va une pleine de botox. Comment veux-tu qu'on t'aime, espèce de gros tox? Je te maudis, toi qui es comme moi et vois tes veines. Je l'arnive à mille pieds, cette odeur de merde qui coule dans tes veines. Elle trompe pas, maintenant nos jeunes dépassent la troisième. Que ce soit sur le périph' ou à coller, ils mènent la croisière. Mon gagère, malgré tous les gadgets, tu mets en place. Flash ball, des heures, pourquoi pas ta mère en plus, qu'elle nous fasse rentrer un peu de beurre, ma gueule. Tony, c'est ce casseur qui remonte ses bolides chez K-Center. Tony, c'est ce passeur, buteur de ta France, Black Blamber. Tu veux nous kill alors qu'on veut ken pour tout ce que t'as fait à la terre, mère. Mes blackos sont vénères, prépare ton arco. Hey, Tony. Respecte les rampes, reste poli. Arrête de croire que la vie c'est que des belles femmes et un gros bolide. Ouais, je te maudis. Toi qui es comme moi et vois tes veines. La haine sera un miracle quand t'empêchera un facho dans la scène. Tony, respecte les rampes, reste poli. Arrête de croire que la vie c'est que des belles femmes et un gros bolide. Ouais, je te maudis. Toi qui es comme moi et vois tes veines. La haine sera un miracle quand t'empêchera un facho dans la scène.